Seconde partie, le désert de glace. Chapitre 11, traces inquiétantes. Pendant la nuit du 26 au 27 avril, le temps vint à changer. Le thermomètre baissa sensiblement et les habitants de Dr. House s'en aperçurent au froid qui se glissait sous leur couverture. Altamont, de garde auprès du poêle, eut soin de ne pas laisser tomber le feu. Il dut l'alimenter abondamment pour maintenir la température intérieure à 50 degrés au-dessus de zéro, plus 10 degrés centigrades. Ce refroidissement annonçait la fin de la tempête et le docteur s'en réjouissait. Les occupations habituelles allaient être reprises, la chasse, les excursions, la reconnaissance des terres, cela mettrait un terme à cette solitude désœuvrée pendant laquelle les meilleurs caractères finissent par s'aigrir. Le lendemain matin, le docteur quitta son lit de bonne heure et se fraya un chemin à travers les glaces amoncelées jusqu'au cône du phare. Le vent avait sauté dans le nord. L'atmosphère était pure, de longues nappes blanches offraient aux pieds leur tapis ferme et résistant. Bientôt les cinq compagnons d'hivernage eurent quitté Dr. House. Leur premier soin fut de dégager la maison des masses glacées qui l'encombraient. On ne s'y reconnaissait plus sur le plateau. Il eût été impossible d'y découvrir les vestiges d'une habitation. La tempête, comblant les inégalités du terrain, avait tout nivelé. Le sol s'était exhaussé, de 15 pieds au moins. Il fallut procéder d'abord au déblaiement des neiges, puis redonner à l'édifice une forme plus architecturale, raviver ses lignes engorgées et rétablir son aplomb. Rien ne fut plus facile d'ailleurs, et après l'enlèvement des glaces, quelques coups de couteau à neige ramenèrent les murailles à leur épaisseur normale. Au bout de 2 heures d'un travail soutenu, le fond du granit apparut. L'accès des magasins de vivres et de la poudrière redevint praticable. Comme par ces climats incertains, un tel état de choses pouvait se reproduire d'un jour à l'autre, on refit une nouvelle provision de comestibles qui fut transportée dans la cuisine. Le besoin de viande fraîche se faisait sentir à ces estomacs surexcités par les salaisons. Les chasseurs furent donc chargés de modifier le système échauffant d'alimentation et ils se préparèrent à partir. Cependant, la fin d'avril n'amenait pas le printemps polaire. L'heure du renouvellement n'avait pas sonné. Il s'en fallait de 6 semaines au moins. Les rayons du soleil, trop faibles encore, ne pouvaient fouiller ces plaines de neige et faire jaillir du sol les maigres produits de la flore boréale. On devait craindre que les animaux ne fussent rares, oiseaux, ou quadrupèdes. Cependant, un lièvre, quelques couples de ptarmigans, un jeune renard même, eussent figuré avec honneur sur la table de Dr. House, et les chasseurs résolurent de chasser avec acharnement tout ce qui passerait à portée de leurs fusils. Le docteur Altamont et Bell se chargèrent d'explorer le pays. Altamont, à en juger par ses habitudes, devait être un chasseur adroit et déterminé, un merveilleux tireur, bien qu'un peu vantard. Il fut donc de la partie, tout comme Duke, qui le valait dans son genre, en ayant l'avantage d'être moins hâbleur. Les trois compagnons d'aventure remontèrent par le cône de l'Est et s'enfoncèrent au travers des immenses plaines blanches. Mais ils n'eurent pas besoin d'aller loin, car des traces nombreuses se montrèrent à moins de 2 miles du fort. De là, elles descendaient jusqu'au rivage de la baie Victoria et paraissaient enlacer le fort Providence de leur cercle concentrique. Après avoir suivi ces piétinements avec curiosité, les chasseurs se regardèrent. « Eh bien, dit le docteur, cela me semble clair. »« Trop clair, répondit Bell, ce sont des traces d'ours. »« Un excellent gibier, répondit Altamont, mais qui me paraît pêcher aujourd'hui par une qualité. »« Laquelle ? Demanda le docteur. « L'abondance, répondit l'Américain. »« Que voulez-vous dire ? Reprit Bell. « Je veux dire qu'il y a là les traces de 5 ours, parfaitement distinctes. Et 5 ours, c'est beaucoup pour 5 hommes. » « Êtes-vous certain de ce que vous avancez ? » dit le docteur. « Voyez et jugez par vous-même. Voici une empreinte qui ne ressemble pas à cette autre. Les griffes de celle-ci sont plus écartées que les griffes de celle-là. Voyez les pas d'un ours plus petit. Comparez bien, et vous trouverez dans un cercle restreint les traces de 5 animaux. » « C'est évident, » dit Bell, après avoir examiné attentivement. Alors, fit le docteur, « il ne faut pas faire de la bravoure inutile, mais au contraire, se tenir sur ses gardes. Ces animaux sont très affamés à la fin d'un hiver rigoureux. Ils peuvent être extrêmement dangereux, et puisqu'il n'est plus possible de douter de leur nombre, ni même de leurs intentions, » répliqua l'Américain. « Vous croyez, dit Bell, qu'ils ont découvert notre présence sur cette côte ? Sans doute, à moins que nous ne soyons tombés dans une passée d'ours. Mais alors pourquoi ces empreintes s'étendent-elles circulairement, au lieu de s'éloigner à perte de vue ? Tenez, ces animaux-là sont venus du sud-est. Ils se sont arrêtés à cette place. Et ils ont commencé ici la reconnaissance du terrain. « Vous avez raison, » dit le docteur. « Il est même certain qu'ils sont venus cette nuit. » « Et sans doute les autres nuits, » répondit Altamont. « Seulement la neige a recouvert leurs traces. »« Non, » répondit le docteur. « Il est plus probable que ces ours ont attendu la fin de la tempête. Poussés par le besoin, ils ont gagné du côté de la baie dans l'intention de surprendre quelques phoques. Et alors, ils nous auront éventés. » « C'est cela même, » répondit Altamont. « D'ailleurs, il est facile de savoir s'ils reviendront la nuit prochaine. »« Comment cela ?» dit Bell. « En effaçant ces traces sur une partie de leur parcours, et si demain nous retrouvons des empreintes nouvelles, il sera bien évident que le Fort Providence est le but auquel tendent ces animaux. »« Bien, » répondit le docteur, « nous saurons au moins à quoi nous en tenir. » Les trois chasseurs se mirent à l'œuvre, et en grattant la neige, ils eurent bientôt fait disparaître les piétinements sur un espace de 100 toises à peu près. « Il est pourtant singulier, dit Bell, que ces bêtes-là aient pu nous sentir à une pareille distance. Nous n'avons brûlé aucune substance graisseuse de nature à les attirer. »« Oh !» répondit le docteur, « les ours sont doués d'une vue perçante et d'un odorat très subtil. Ils sont en outre très intelligents, pour ne pas dire les plus intelligents de tous les animaux. Ils ont flairé par ici quelque chose d'inaccoutumé. » « D'ailleurs, reprit Bell, qui nous dit que pendant la tempête, ils ne se sont pas avancés jusqu'au plateau. » « Alors, répondit l'Américain, pourquoi se seraient-ils arrêtés cette nuit, à cette limite ?»« Oui, il n'y a pas de réponse à cela, répliqua le docteur, et nous devons croire que peu à peu, ils rétréciront le cercle de leurs recherches autour du Fort Providence. »« Nous verrons bien, répondit Altamont. Maintenant, continuons notre marche, dit le docteur, mais ayons l'œil au guet. » Les chasseurs veillèrent avec attention. Ils pouvaient craindre que quelque ours ne fût embusqué derrière les monticules de glace. Souvent même, ils prirent les blocs gigantesques pour des animaux dont ces blocs avaient la taille et la blancheur. Mais, en fin de compte, et à leur grande satisfaction, ils en furent pour leurs illusions. Ils revinrent enfin à mi-côte du cône, et de là leur regard se promena inutilement depuis le cap Washington jusqu'à l'île Johnson. Ils ne virent rien. Tout était immobile et blanc. Pas un bruit, pas un craquement. Ils rentrèrent dans la maison de neige. Hatteras et Johnson furent mis au courant de la situation et l'on résolut de veiller avec la plus scrupuleuse attention. La nuit vint, rien ne troubla son calme splendide. Rien ne se fit entendre qui pût signaler l'approche d'un danger. Le lendemain, dès l'aube, Hatteras et ses compagnons, bien armés, allèrent reconnaître l'état de la neige. Ils retrouvèrent des traces identiques à celles de la veille, mais plus rapprochées. Évidemment, les ennemis prenaient leur disposition pour le siège du Fort Providence. « Ils ont ouvert leur seconde parallèle, » dit le docteur. « Ils ont même fait une pointe en avant, » dit Altamont. « Voyez ces pas qui s'avancent vers le plateau. Ils appartiennent à un puissant animal. »« Oui, ces ours nous gagnent peu à peu, » dit Johnson. « Il est évident qu'ils ont l'intention de nous attaquer. »« Cela n'est pas douteux, » répondit le docteur. « Évitons de nous montrer. » « Nous ne sommes pas de force à combattre avec succès. »« Mais où peuvent être ces damnés ours ?» s'écria Bell. « Derrière quelques glaçons de l'Est, d'où ils nous guettent, n'allons pas nous aventurer imprudemment. »« Et la chasse ?» fit Altamont. « Remettons-la quelques jours, » répondit le docteur. « Effaçons de nouveau les traces les plus rapprochées, et nous verrons demain matin si elles se sont renouvelées. De cette façon, nous serons au courant des manœuvres de nos ennemis. » Le conseil du docteur fut suivi et l'on revint se caserner dans le fort. La présence de ces terribles bêtes empêchait toute excursion. On surveilla attentivement les environs de la baie Victoria. Le phare fut abattu, il n'avait aucune utilité actuelle et pouvait attirer l'attention des animaux. Le fanal et les fils électriques furent serrés dans la maison. Puis, à tour de rôle, chacun se mit en observation sur le plateau supérieur. C'étaient de nouveaux ennuis de solitude à subir. Mais le moyen d'agir autrement. On ne pouvait pas se compromettre dans une lutte si inégale, et la vie de chacun était trop précieuse pour la risquer imprudemment. Les ours, ne voyant plus rien, seraient peut-être dépistés, et s'ils se présentaient isolément pendant les excursions, on pourrait les attaquer avec chance de succès. Cependant, cette inaction était relevée par un intérêt nouveau. Il y avait à surveiller, et chacun ne regrettait pas d'être un peu sur le qui-vive. La journée du 28 avril se passa sans que les ennemis eussent donné signe d'existence. Le lendemain, on alla reconnaître les traces avec un vif sentiment de curiosité qui fut suivi d'exclamations d'étonnement. Il n'y avait plus un seul vestige, et la neige déroulait au loin son tapis intact. « Bon, s'écria Altamonte, les ours sont dépistés. Ils n'ont pas eu de persévérance, ils se sont fatigués d'attendre. Ils sont partis, bon voyage, et maintenant en chasse. » « Eh, eh !» répliqua le docteur. « Qui sait ? Pour plus de sûreté, mes amis, je vous demande encore un jour de surveillance. Il est certain que l'ennemi n'est pas revenu cette nuit, du moins de ce côté. »« Faisons le tour du plateau, » dit Altamonte, « et nous saurons à quoi nous en tenir. »« Volontiers, » dit le docteur. Mais on eut beau relever avec soin tout l'espace, dans un rayon de 2 miles, il fut impossible de retrouver la moindre trace. « Eh bien, chassons-nous ? » demanda l'impatient américain. « Attendons à demain, » répondit le docteur. « À demain, donc, » répondit Altamonte, qui avait de la peine à se résigner. On rentra dans le fort. Cependant, comme la veille, chacun dut, pendant 1 heure, aller reprendre son poste d'observation. Quand le tour d'Altamonte arriva, il alla relever Bell au sommet du cône. Dès qu'il fut parti, Atterra s'appela ses compagnons autour de lui. Le docteur quitta son cahier de notes et Johnson ses fourneaux. On pouvait croire qu'Atterra allait causer des dangers de la situation. Il n'y pensait même pas. « Mes amis, dit-il, profitons de l'absence de cet Américain pour parler de nos affaires. Il y a des choses qui ne peuvent le regarder et dont je ne veux pas qu'il se mêle. » Les interlocuteurs du capitaine se regardèrent, ne sachant pas où ils voulaient en venir. « Je désire, dit-il, m'entendre avec vous sur nos projets futurs. »« Bien, bien, » répondit le docteur, « causons, puisque nous sommes seuls. » »« Dans 1 mois, » reprit Atterra, « dans 6 semaines au plus tard, le moment des grandes excursions va revenir. Avez-vous pensé ce qu'il conviendrait d'entreprendre pendant l'été ?»« Et vous, capitaine ?» demanda Johnson. « Moi, je puis dire que pas 1 heure de ma vie ne s'écoule qui ne se trouve en présence de mon idée. J'estime que pas un de vous n'a l'intention de revenir sur ses pas. » Cette insinuation fut laissée sans réponse immédiate. « Pour mon compte, » reprit Atterra, « dussé-je aller seul, j'irai jusqu'au pôle Nord. Nous en sommes à 360 miles, au plus. Jamais hommes ne s'approchèrent autant de ce but désiré, et je ne perdrai pas une pareille occasion sans avoir tout tenté, même l'impossible. Quels sont vos projets à cet égard ?»« Les vôtres, » répondit vivement le docteur. « Et les vôtres, Johnson ?»« Ceux du docteur, » répondit le maître d'équipage. « À vous de parler, Belle, » dit Atterra. « Capitaine, » répondit le charpentier, « nous n'avons pas de famille qui nous attend en Angleterre, c'est vrai, mais enfin le pays, c'est le pays. Ne pensez-vous donc pas au retour ?»« Le retour, » reprit le capitaine, « se fera aussi bien après la découverte du pôle. Mieux même. Les difficultés ne seront pas accrues, car en remontant, nous nous éloignons des points les plus froids du globe. Nous avons pour longtemps encore du combustible et des provisions. » « Rien ne peut donc nous arrêter, et nous serions coupables de ne pas être allés jusqu'au bout. »« Eh bien, » répondit Bell, « nous sommes tous de votre opinion, capitaine. »« Bien, » répondit Atterra, « je n'ai jamais douté de vous. Nous réussirons, mes amis, et l'Angleterre aura toute la gloire de notre succès. »« Mais il y a un Américain parmi nous, » dit Johnson. Atterra ne put retenir un geste de colère à cette observation. « Je le sais, » dit-il d'une voix grave. « Nous ne pouvons l'abandonner ici, » reprit le docteur. « Non, nous ne le pouvons pas, » répondit machinalement Atterra. « Et il viendra, certainement. »« Oui, il viendra. Mais qui commandera ?»« Vous, capitaine. »« Et si vous m'obéissez, vous autres, ce Yankee refusera-t-il d'obéir ?»« Je ne le pense pas, » répondit Johnson. « Mais enfin, s'il ne voulait pas se soumettre à vos ordres, ce serait alors une affaire entre lui et moi. » Les 3 Anglais se turent en regardant Atterra. Le docteur reprit la parole. « Comment voyagerons-nous » dit-il. « En suivant la côte, autant que possible, » répondit Atterra. « Mais si nous trouvons la mer libre, comme cela est probable, eh bien, nous la franchirons. De quelle manière, nous n'avons pas d'embarcation ?» Atterra ne répondit pas, il était visiblement embarrassé. « On pourrait peut-être, dit Bell, construire une chaloupe avec les débris du porpoise. »« Jamais !» s'écria violemment Atterra. « Jamais !» fit Johnson. Le docteur secouait la tête, il comprenait la répugnance du capitaine. « Jamais, » reprit ce dernier, « une chaloupe faite avec le bois d'un navire américain serait américaine. »« Mais capitaine, » reprit Johnson. Le docteur fit signe au vieux maître de ne pas insister en ce moment. il fallait réserver cette question pour un moment plus opportun. Le docteur, tout en comprenant les répugnances d'Atterras, ne les partageait pas. Il se promit bien de faire revenir son ami sur une décision aussi absolue. Il parla donc d'autre chose, de la possibilité de remonter la côte directement jusqu'au nord et de ce point inconnu du globe qu'on appelle le pôle boréal. Bref, il détourna les côtés dangereux de la conversation jusqu'au moment où elle se termina brusquement, c'est-à-dire à l'entrée d'Altamont. Celui-ci n'avait rien à signaler. La journée finit ainsi et la nuit se passa tranquillement. Les ours avaient évidemment disparu. Chapitre 12. La prison de glace. Le lendemain, il fut question d'organiser une chasse, à laquelle devaient prendre part Atterras, Altamont et le charpentier. Les traces inquiétantes ne s'étaient pas renouvelées, et les ours avaient décidément renoncé à leur projet d'attaque, soit par frayeur de ces ennemis inconnus, soit que rien de nouveau ne leur eût révélé la présence d'êtres animés sous ce massif de neige. Pendant l'absence des trois chasseurs, le docteur devait pousser jusqu'à l'île Johnson pour reconnaître l'état des glaces et faire quelques relevés hydrographiques. Le froid se montrait très vif, mais les hiverneurs le supportaient bien. Leur épiderme était fait à ces températures exagérées. Le maître d'équipage devait rester à Dr House, en un mot, garder la maison. Les trois chasseurs firent leurs préparatifs de départ. Ils s'armèrent chacun d'un fusil à deux coups, à canon rayé et à balles coniques. Ils prirent une petite provision de pemmican pour le cas où la nuit les surprendrait avant la fin de leur excursion. Ils portaient en outre l'inséparable couteau à neige, le plus indispensable outil de ces régions, et une hachette s'enfonçait dans la ceinture de leur jaquette en peau de daim. Ainsi équipés, vêtus, armés, ils pouvaient aller loin, et, adroits et audacieux, ils devaient compter sur le bon résultat de leur chasse. Ils furent prêts à 8 heures du matin et partirent. Duke les précédait en gambadant. Ils remontèrent la colline de l'est, tournèrent le cône du phare et s'enfoncèrent dans les plaines du sud, bornées par le Belmont. De son côté, le docteur, après être convenu avec Johnson d'un signal d'alarme en cas de danger, descendit vers le rivage de manière à gagner les glaces multiformes qui hérissaient la baie Victoria. Le maître d'équipage demeura seul au Fort Providence, mais non oisif. Il commença par donner la liberté aux chiens groenlandais qui s'agitaient dans le Dock Palace. Ceux-ci, enchantés, allèrent se rouler sur la neige. Johnson ensuite s'occupa des détails compliqués du ménage. Il avait à renouveler le combustible et les provisions, à mettre les magasins en ordre, à raccommoder maints ustensiles brisés, à repriser les couvertures en mauvais état, à refaire des chaussures pour les longues excursions de l'été. L'ouvrage ne manquait pas, et le maître d'équipage travaillait avec cette habileté du marin auquel rien n'est étranger des métiers de toutes sortes. En s'occupant, il réfléchissait à la conversation de la veille. Il pensait au capitaine et surtout à son entêtement, très héroïque et très honorable après tout, de ne pas vouloir qu'un Américain, même une chaloupe américaine, atteignît avant lui ou avec lui le pôle du monde. « Il me semble difficile pourtant, se disait-il, de passer l'océan sans bateau. » Et si nous avons la pleine mer devant nous, il faudra bien se rendre à la nécessité de naviguer. On ne peut pas faire 300 miles à la nage, fût-on le meilleur Anglais de la terre. Le patriotisme a des limites. Enfin, on verra. Nous avons encore du temps devant nous. Monsieur Claoboni n'a pas dit son dernier mot dans la question. Il est adroit, et c'est un homme à faire revenir le capitaine sur son idée. Je gage même qu'en allant du côté de l'île, il jettera un coup d'œil sur les débris du Porpoise et saura au juste ce qu'on en peut faire. Johnson en était là de ses réflexions, et les chasseurs avaient quitté le fort depuis 1 heure quand une détonation forte et claire retentit à 2 ou 3 miles sous le vent. « Bon, se dit le vieux marin, ils ont trouvé quelque chose, et sans aller trop loin, puisqu'on les entend distinctement. Après cela, l'atmosphère est si pure. » Une seconde détonation, puis une troisième se répétèrent, coup sur coup. « Allons, reprit Johnson, ils sont arrivés au bon endroit. » 3 autres coups de feu plus rapprochés éclatèrent encore. « 6 coups ? Fit Johnson. « Leurs armes sont déchargées maintenant. L'affaire a été chaude. Est-ce que par hasard ?» À l'idée qui lui vint, Johnson pâlit. Il quitta rapidement la maison de neige et gravit en quelques instants le coteau jusqu'au sommet du cône. Ce qu'il vit le fit frémir. « Les ours ! » s'écria-t-il. Les 3 chasseurs, suivis de Duke, revenaient à toutes jambes, poursuivis par 5 animaux gigantesques. Leurs 6 balles n'avaient pu les abattre. les ours gagnaient sur eux. Hatteras, resté en arrière, ne parvenait à maintenir sa distance entre les animaux et lui qu'en lançant peu à peu son bonnet, sa hachette, son fusil même, les ours s'arrêtaient, suivant leur habitude, pour flairer l'objet jeté à leur curiosité, et perdaient un peu de ce terrain sur lequel ils eussent dépassé le cheval le plus rapide. Ce fut ainsi qu'Hatteras, Altamont, Bell, époumonés par leur course, arrivèrent près de Johnson, et du haut du talus, ils se laissèrent glisser avec lui jusqu'à la maison de neige. Les cinq ours les touchaient presque, et de son couteau, le capitaine avait dû parer un coup de patte qui lui fut violemment porté. En un clin d'œil, Hatteras et ses compagnons furent renfermés dans la maison. Les animaux s'étaient arrêtés sur le plateau supérieur formé par la troncature du cône. « Enfin, s'écria Hatteras, nous pourrons nous défendre plus avantageusement, 5 contre 5. »« 4 contre 5, s'écria Johnson d'une voix terrifiée. « Comment ? » fit Hatteras. « Le docteur, répondit Johnson en montrant le salon vide. « Eh bien, il est du côté de l'île. » « Le malheureux !» s'écria Bell. « Nous ne pouvons l'abandonner ainsi, » dit Altamont. « Courons !» fit Hatteras. Il ouvrit rapidement la porte, mais il eut à peine le temps de la refermer. Un ours avait failli lui briser le crâne d'un coup de griffe. « Ils sont là !» s'écria-t-il. « Tous ?» demanda Bell. « Tous !» répondit Hatteras. Altamont se précipita vers les fenêtres, dont il combla les baies avec les morceaux de glace enlevés aux murailles de la maison. Ses compagnons l'imitèrent sans parler. Le silence ne fut interrompu que par l'échappement sourd de Duke. Mais, il faut le dire, ces hommes n'avaient qu'une seule pensée. Ils oubliaient leur propre danger et ne songeaient qu'au docteur. À lui, non à eux. Pauvre Clawbonny, si bon, si dévoué, l'âme de cette petite colonie. Pour la première fois, il n'était pas là. Des périls extrêmes, une mort épouvantable peut-être l'attendait, car son excursion terminée, il reviendrait tranquillement au Fort Providence et se trouverait en présence de ces féroces animaux. Et nul moyen pour le prévenir. Cependant, dit Johnson, ou je ne me trompe fort, il doit être sur ses gardes. Vos coups de feu répétés ont dû l'avertir. Il ne peut manquer de croire à quelque événement extraordinaire. Mais s'il était loin alors, répondit Altamont, et s'il n'a pas compris... Enfin, sur 10 chances, il en a 8 pour qu'il revienne sans se douter du danger. Les ours sont abrités par l'escarpe du fort et il ne peut les apercevoir. Il faut donc se débarrasser de ces dangereuses bêtes avant son retour, répondit Hatteras. Mais comment ? Fit Bell. La réponse à cette question était difficile. Tenter une sortie paraissait impraticable. On avait eu soin de barricader le couloir, mais les ours pouvaient avoir facilement raison de ces obstacles, si l'idée leur en prenait. Ils savaient à quoi s'en tenir sur le nombre et la force de leurs adversaires. Il leur serait aisé d'arriver jusqu'à eux. Les prisonniers s'étaient postés dans chacune des chambres de Dr. House afin de surveiller toute tentative d'invasion. En prêtant l'oreille, ils entendaient les ours aller, venir, grogner sourdement et gratter de leurs énormes pattes les murailles de neige. Cependant, il fallait agir. Le temps pressait. Altamont résolut de pratiquer une meurtrière afin de tirer sur les assaillants. En quelques minutes, il eut creusé une sorte de trou dans le mur de glace. Il y introduisit son fusil, mais à peine l'arme passa-t-elle au dehors qu'elle lui fut arrachée des mains avec une puissance irrésistible sans qu'il pût faire feu. « Diable ! » s'écria-t-il, « nous ne sommes pas de force !» Et il se hâta de reboucher la meurtrière. Cette situation durait déjà depuis 1 heure, et rien n'en faisait prévoir le terme. Les chances d'une sortie furent encore discutées. Elles étaient faibles, puisque les ours ne pouvaient être combattus séparément. Néanmoins, Hatteras et ses compagnons, pressés d'en finir, il faut le dire, très confus d'être ainsi tenus en prison par des bêtes, allaient tenter une attaque directe, quand le capitaine imagina un nouveau moyen de défense. Il prit le poker qui servait à Johnson à dégager ses fourneaux et le plongea dans le brasier du poêle. Puis il pratiqua une ouverture dans la muraille de neige, mais sans la prolonger jusqu'au dehors, et de manière à conserver extérieurement une légère couche de glace. Ses compagnons le regardaient faire. Quand le poker fut rouge à blanc, Hatteras prit la parole et dit « Cette barre incandescente va me servir à repousser les ours qui ne pourront la saisir ». Et à travers la meurtrière, il sera facile de faire un feu nourri contre eux sans qu'ils puissent nous arracher nos armes. « Bien imaginé !» s'écria Bell, en se postant près d'Altamont. Alors, Hatteras, retirant le poker du brasier, l'enfonça rapidement dans la muraille. La neige se vaporisant à son contact, siffla avec un bruit assourdissant. Deux ours accoururent, saisirent la barre rouge et poussèrent un hurlement terrible, au moment où quatre détonations retentissaient coup sur coup. « Touché !» s'écria l'Américain. « Touché !» riposta Bell. « Recommençons !» dit Hatteras en rebouchant momentanément l'ouverture. Le poker fut plongé dans le fourneau et au bout de quelques minutes il était rouge. Altamonte et Bell revinrent prendre leur place, après avoir rechargé les armes. Hatteras rétablit la meurtrière et introduisit de nouveau le poker incandescent. Mais cette fois, une surface impénétrable l'arrêta. « Malédiction !» s'écria l'Américain. « Qu'y a-t-il ? » demanda Johnson. « Ce qu'il y a, que ces maudits animaux entassent bloc sur bloc, qu'ils nous murent dans notre maison, qu'ils nous enterrent vivants. « C'est impossible !» Voyez, le poker ne peut traverser, cela finit par être ridicule à la fin. Plus que ridicule, cela devenait inquiétant. La situation empirait. Les ours, en bêtes très intelligentes, employaient ce moyen pour étouffer leur proie. Ils entassaient les glaçons de manière à rendre toute fuite impossible. « C'est dur, dit le vieux Johnson d'un air très mortifié, que des hommes vous traitent ainsi, pas encore, mais des ours. » Après cette réflexion, deux heures s'écoulèrent, sans amener de changement dans la situation des prisonniers. Le projet de sortie était devenu impraticable. Les murailles épaissies arrêtaient tout bruit extérieur. Altamonte se promenait avec l'agitation d'un homme audacieux qui s'exaspère de trouver un danger supérieur à son courage. Hatteras songeait avec effroi au docteur et au péril très sérieux qui le menaçait à son retour. « Ah ! S'écria Johnson, si M. Claoboni était ici !»« Eh bien, que ferait-il » répondit Altamonte. « Oh, il saurait bien nous tirer d'affaire. »« Et comment ?» demanda l'Américain avec humeur. « Si je le savais, » répondit Johnson, « je n'aurais pas besoin de lui. Cependant, je devine bien quel conseil il nous donnerait en ce moment. »« Lequel ? Celui de prendre quelque nourriture. Cela ne peut pas nous faire de mal, au contraire. Qu'en pensez-vous, Monsieur Altamonte ?»« Mangeons, si cela vous fait plaisir, » répondit ce dernier, « quoique la situation soit bien sotte, pour ne pas dire humiliante. » « Je gage, » dit Johnson, « qu'après dîner, nous trouverons un moyen quelconque de sortir de là. » On ne répondit pas au maître d'équipage, mais on se mit à table. Johnson, élevé à l'école du docteur, essaya d'être philosophe dans le danger, mais il n'y réussit guère. Ses plaisanteries lui restaient dans la gorge. D'ailleurs, les prisonniers commençaient à se sentir mal à leur aise. L'air s'épaississait dans cette demeure hermétiquement fermée. L'atmosphère ne pouvait se refaire à travers le tuyau des fourneaux qui tiraient mal, et il était facile de prévoir que, dans un temps fort limité, le feu viendrait à s'éteindre. L'oxygène, absorbé par les poumons et le foyer, ferait bientôt place à l'acide carbonique, dont on connaît l'influence mortelle. Hatteras s'aperçut le premier de ce nouveau danger. Il ne voulut point le cacher à ses compagnons. « Alors il faut sortir à tout prix, » répondit Altamonte. « Oui, » reprit Hatteras. « Mais attendons la nuit. Nous ferons un trou à la voûte, cela renouvellera notre provision d'air, puis l'un de nous prendra place à ce poste, et de là il fera feu sur les ours. C'est le seul parti à prendre, » répliqua l'Américain. Ceci convenu, on attendit le moment de tenter l'aventure, et pendant les heures qui suivirent, Altamonte n'épargna pas ses imprécations contre un état de choses dans lequel, disait-il, « des ours et des hommes, étant donné, ces derniers ne jouaient pas le plus beau rôle. » Chapitre 13. La mine. La nuit arriva, et la lampe du salon commençait déjà à pâlir dans cette atmosphère pauvre d'oxygène. À 8 heures, on fit les derniers préparatifs. Les fusils furent chargés avec soin, et l'on pratiqua une ouverture dans la voûte de la Snow House. Le travail durait déjà depuis quelques minutes, et Bell s'en tirait adroitement, quand Johnson, quittant la chambre à coucher dans laquelle il se tenait en observation, revint rapidement vers ses compagnons. Il semblait inquiet. « Qu'avez-vous ? » lui demanda le capitaine. « Ce que j'ai, rien, » répondit le vieux marin en hésitant. « Et pourtant. » « Mais qui a-t-il ? » dit Altamonte. « Silence. N'entendez-vous pas un bruit singulier ? De quel côté ? Là, il se passe quelque chose dans la muraille de la chambre. » Bell suspendit son travail. Chacun écouta. Un bruit éloigné se laissait percevoir qui semblait produit dans le mur latéral. On faisait évidemment une trouée dans la glace. « On gratte, » fit Johnson. « Ce n'est pas douteux, » répondit Altamonte. « Les ours ? » dit Bell. « Oui, les ours, » dit Altamonte. Ils ont changé de tactique, reprit le vieux marin. Ils ont renoncé à nous étouffer. Ou ils nous croient étouffés, reprit l'Américain, que la colère gagnait très sérieusement. Nous allons être attaqués, fit Bell. Eh bien, répondit Hatteras, nous lutterons corps à corps. Mais les diables, s'écria Altamont, j'aime mieux cela. J'en ai assez pour mon compte de ces ennemis invisibles. On se verra et on se battra. Oui, répondit Johnson, mais pas à coups de fusil. C'est impossible dans un espace aussi étroit. Soit à la hache, au couteau. Le bruit augmentait, on entendait distinctement les raillures des griffes. Les ours avaient attaqué la muraille, à l'angle même où elle rejoignait le talus de neige, adossé au rocher. « L'animal qui creuse, dit Johnson, n'est pas maintenant à 6 pieds de nous. » « Vous avez raison, Johnson, répondit l'Américain, mais nous avons le temps de nous préparer à le recevoir. » L'Américain prit sa hache d'une main, son couteau de l'autre. Arc-bouté sur son pied droit, le corps rejeté en arrière, il se tint en posture d'attaque. Hatteras et Bell l'imitèrent. Johnson prépara son fusil pour le cas où l'usage d'une arme à feu serait nécessaire. Le bruit devenait de plus en plus fort. La glace arrachée craquait sous la violente incision de griffes d'acier. Enfin, une croûte mince sépara seulement l'assaillant de ses adversaires. Soudain, cette croûte se fendit comme le cerceau tendu de papier sous l'effort du clown, et un corps noir, énorme, apparut dans la demi-obscurité de la chambre. Altamont ramena rapidement sa main armée pour frapper. « Arrêtez, par le ciel !» dit une voix bien connue. « le docteur !» s'écria Johnson. C'était le docteur, en effet, qui, emporté par sa masse, vint rouler au milieu de la chambre. « Bonjour, mes braves amis, » dit-il en se relevant lestement. Ses compagnons demeurèrent stupéfaits. Mais à la stupéfaction succéda la joie. Chacun voulut serrer le digne homme dans ses bras. Hatteras, très ému, le retint longtemps sur sa poitrine. Le docteur lui répondit par une chaleureuse poignée de main. « Comment vous, monsieur Klaoboni ? » dit le maître d'équipage. « Moi, mon vieux Johnson, et j'étais plus inquiet de votre sort que vous n'avez pu l'être du mien. » « Mais comment avez-vous su que nous étions assaillis par une bande d'ours ?» demanda Altamont. « Notre plus vive crainte était de vous voir revenir tranquillement au Fort Providence sans vous douter du danger. »« Oh, j'avais tout vu !» répondit le docteur. « Vos coups de fusil m'ont donné l'éveil. Je me trouvais en ce moment près des débris du Porpoise. J'ai gravi un hummock. J'ai aperçu les 5 ours qui vous poursuivaient de près. Oh, quelle peur j'ai ressentie pour vous !» Mais enfin, votre dégringolade du haut de la colline et l'hésitation des animaux m'ont rassuré momentanément. J'ai compris que vous aviez eu le temps de vous barricader dans la maison. Alors, peu à peu, je me suis approché, tantôt rampant, tantôt me glissant entre les glaçons. Je suis arrivé près du fort. Et j'ai vu ces énormes bêtes au travail, comme de gros castors. Ils battaient la neige, ils amoncelaient les blocs. En un mot, ils vous muraient tout vivant. Il est heureux que l'idée ne leur soit pas venue de précipiter des blocs de glace du sommet du cône, car vous auriez été écrasé sans merci. Mais, dit Bell, vous n'étiez pas en sûreté, monsieur Klaoboni. Ne pouvaient-ils abandonner la place et revenir vers vous ? N'y pensez guère. Les chiens groenlandais, lâchés par Johnson, sont venus plusieurs fois rôder à petite distance, et ils n'ont pas songé à leur donner la chasse. Non, ils se croyaient sûrs d'un gibier plus savoureux. « Grand merci du compliment, » dit Altamont en riant. « Oh, il n'y a pas de quoi être fier. Quand j'ai compris la tactique des ours, j'ai résolu de vous rejoindre. » Il fallait attendre la nuit, par prudence. Aussi, dès les premières ombres du crépuscule, je me suis glissé sans bruit vers le talus, du côté de la poudrière. J'avais mon idée en choisissant ce point. Je voulais percer une galerie. Je me suis donc mis au travail, j'ai attaqué la glace avec mon couteau à neige, un fameux outil, ma foi. Pendant 3 heures, j'ai pioché, j'ai creusé, j'ai travaillé, et me voilà affamé, éreinté, mais arrivé. Pour partager notre sort, dit Altamont. Pour nous sauver tous, mais donnez-moi un morceau de biscuit et de viande, je tombe d'inanition. Bientôt, le docteur mordait de ses dents blanches un respectable morceau de bœuf salé. Tout en mangeant, il se montra disposé à répondre aux questions dont on le pressait. Nous sauver, avait repris Bell. « Sans doute, » répondit le docteur, en faisant place à sa réponse par un vigoureux effort des muscles staphylins. « Au fait, » dit Bell, « puisque M. Klaoboni est venu, nous pouvons nous en aller par le même chemin. »« Oui, da, » répondit le docteur, et laisser le champ libre à cette engeance malfaisante qui finira par découvrir nos magasins et les piller. « Il faut demeurer ici, » dit Hatteras. « Sans doute, » répondit le docteur, « et nous débarrasser néanmoins de ces animaux. » « Il y a donc un moyen ?» demanda Bell. « Un moyen sûr, » répondit le docteur. « Je le disais bien, » s'écria Johnson en se frottant les mains. « Avec M. Klaoboni, jamais rien n'est désespéré. Il a toujours quelque invention dans son sac de savon. » Oh, oh, mon pauvre sac est bien maigre, mais en fouillant bien. » Docteur, dit Altamont, les ours ne peuvent-ils pénétrer par cette galerie que vous avez creusée? Non, j'ai eu soin de reboucher solidement l'ouverture. Et maintenant, nous pouvons aller d'ici à la poudrière sans qu'ils s'en doutent. Bon, nous direz-vous maintenant quels moyens vous comptez employer pour nous débarrasser de ces ridicules visiteurs? Un moyen bien simple, et pour lequel une partie du travail est déjà faite. « Comment cela ? Vous le verrez, mais j'oublie que je ne suis pas venu seul ici. »« Que voulez-vous dire ? » demanda Johnson. « J'ai là un compagnon à vous présenter. » Et, en parlant de la sorte, le docteur tira de la galerie le corps d'un renard fraîchement tué. « Un renard ! » s'écria Bell. « Ma chasse de ce matin, » répondit modestement le docteur. « Et vous verrez que jamais renard n'aura été tué plus à propos. »« Mais enfin, quel est votre dessein ? » demanda Altamont. « J'ai la prétention, répondit le docteur, de faire sauter les ours tous ensemble, avec 100 livres de poudre. » On regarda le docteur avec surprise. « Mais la poudre, lui demanda-t-on, elle est au magasin. » « Et le magasin ? » ?»« Ce boyau y conduit. Ce n'est pas sans motif que j'ai creusé une galerie de 10 toises de longueur. J'aurais pu attaquer le parapet plus près de la maison, mais j'avais mon idée. » « Enfin, cette mine, où prétendez-vous l'établir ? » demanda l'Américain. « À la face même de notre talus, c'est-à-dire au point le plus éloigné de la maison, de la poudrière et des magasins. Mais comment y attirer les ours tous à la fois ? Je m'en charge, » répondit le docteur. « Assez parlé, agissons. Nous avons 100 pieds de galerie à creuser pendant la nuit. C'est un travail fatigant, mais à 5, nous nous en tirerons en nous relayant. Bell va commencer, et pendant ce temps, nous prendrons quelques repos. » « Parbleu ! » s'écria Johnson, « plus j'y pense, plus je trouve le moyen de M. Klaoboni excellent. »« Il est sûr, » répondit le docteur. « Oh, du moment que vous le dites, ce sont des ours morts, et je me sens déjà leur fourrure sur les épaules. »« À l'ouvrage, donc !» Le docteur s'enfonça dans la galerie sombre, et Bell le suivit. Où passait le docteur, ses compagnons étaient assurés de se trouver à l'aise. Les deux mineurs arrivèrent à la poudrière et débouchèrent au milieu des barils rangés en bon ordre. Le docteur donna à Bell les indications nécessaires. Le charpentier attaqua le mur opposé sur lequel s'épaulait le talus, et son compagnon revint dans la maison. Bell travailla pendant 1 heure et creusa un boyau long de 10 pieds à peu près, dans lequel on pouvait s'avancer en rampant. Au bout de ce temps, Altamont vint le remplacer, et dans le même temps, il fit à peu près le même travail. La neige, retirée de la galerie, était transportée dans la cuisine où le docteur la faisait fondre au feu afin qu'elle tînt moins de place. À l'Américain succéda le capitaine, puis Johnson. En 10 heures, c'est-à-dire vers les 8 heures du matin, la galerie était entièrement ouverte. Aux premières lueurs de l'aurore, le docteur vint considérer les ours par une meurtrière qu'il pratiqua dans le mur du magasin à poudre. Ces patients animaux n'avaient pas quitté la place. Ils étaient là, allant, venant, grognant, mais en somme faisant leur faction avec une persévérance exemplaire. Ils rôdaient autour de la maison qui disparaissait sous les blocs amoncelés. Mais un moment vint pourtant où ils semblèrent avoir épuisé leur patience, car le docteur les vit tout à coup repousser les glaçons qu'ils avaient entassés. « Bon, » dit-il au capitaine qui se trouvait près de lui. « Que font-ils ? » demanda celui-ci. « Ils m'ont tout l'air de vouloir démolir leur ouvrage et d'arriver jusqu'à nous. » « Mais un instant, ils seront démolis auparavant. En tout cas, pas de temps à perdre. » Le docteur se glissa jusqu'au point où la mine devait être pratiquée. Là, il fit élargir la chambre de toute la largeur et de toute la hauteur du talus. Il ne resta bientôt plus à la partie supérieure qu'une écorce de glace, épaisse d'un pied au plus. Il fallut même la soutenir pour qu'elle ne s'effondrât pas. Un pieu solidement appuyé sur le sol de granit fit l'office de poteau. Le cadavre du renard fut attaché à son sommet et une longue corde, nouée à sa partie inférieure, se déroula à travers la galerie jusqu'à la poudrière. Les compagnons du docteur suivaient ses instructions sans trop les comprendre. « Voici l'appât, » dit-il en leur montrant le renard. Au pied du poteau, il fit rouler un tonnelet pouvant contenir 100 livres de poudre. « Et voici la mine, » ajouta-t-il. « Mais, » demanda à Terrasse, « ne nous ferons-nous pas sauter en même temps que les ours ?»« Non, nous sommes suffisamment éloignés du théâtre de l'explosion. D'ailleurs, notre maison est solide. Si elle se disjoint un peu, nous en serons quittes pour la refaire. »« Bien, » dit Altamonte, « mais maintenant, comment prétendez-vous opérer ?»« Voici, en halant cette corde, nous abattrons le pieu qui soutient la croûte de la glace au-dessus de la mine. » Le cadavre du renard apparaîtra subitement hors du talus, et vous admettrez sans peine que des animaux affamés par un long jeûne n'hésiteront pas à se précipiter sur cette proie inattendue. D'accord. Eh bien, à ce moment, je mets le feu à la mine et je fais sauter d'un seul coup les convives et le repas. Bien, bien ! S'écria Johnson, qui suivait l'entretien avec un vif intérêt. La Terrasse, ayant confiance absolue dans son ami, ne demandait aucune explication, il attendait. Mais Altamonte voulait savoir jusqu'au bout. « Docteur, dit-il, comment calculerez-vous la durée de votre mèche avec une précision telle que l'explosion se fasse au moment opportun ?»« C'est bien simple, répondit le docteur, je ne calculerai rien. »« Vous avez donc une mèche de 100 pieds de longueur ?»« Non. » »« Vous ferez donc simplement une traînée de poudre ?»« Point, cela pourrait rater. » Il faudra donc que quelqu'un se dévoue et aille mettre le feu à la mine. « S'il faut un homme de bonne volonté, dit Johnson avec empressement, je m'offre volontiers. »« Inutile, mon digne ami, répondit le docteur en tendant la main au vieux maître d'équipage. Nos 5 existences sont précieuses et elles seront épargnées, Dieu merci. » Alors, fit l'Américain, je renonce à deviner. « Voyons, répondit le docteur en souriant, si l'on ne se tirait pas d'affaire dans cette circonstance, à quoi servirait d'avoir appris la physique ? Ah ! Fit Johnson, rayonnant, la physique ! Oui, n'avons-nous pas ici une pile électrique et des fils d'une longueur suffisante, ceux-là même qui servaient à notre phare ? Eh bien, nous mettrons le feu à la mine quand cela nous plaira, instantanément et sans danger. Hurrah ! S'écria Johnson. Hurrah ! Répétèrent ses compagnons sans se soucier d'être ou non entendus de leurs ennemis. Aussitôt, les fils électriques furent déroulés dans la galerie depuis la maison jusqu'à la chambre de la mine. Une de leurs extrémités demeura enroulée à la pile et l'autre plongea au centre du tonnelet, les deux bouts restant placés à une petite distance l'un de l'autre. À 9 heures du matin, tout fut terminé. Il était temps. Les ours se livraient avec furie à leur rage de démolition. Le docteur jugea le moment arrivé. Johnson fut placé dans le magasin à poudre et chargé de tirer sur la corde rattachée au poteau. Il prit place à son poste. « Maintenant, dit le docteur à ses compagnons, préparez vos armes pour le cas où les assiégeants ne seraient pas tués du premier coup et rangez-vous auprès de Johnson. Aussitôt après l'explosion, faites irruption au dehors. »« Convenu, répondit l'Américain. Et maintenant, nous avons fait tout ce que des hommes peuvent faire. Nous nous sommes aidés. Que le ciel nous aide. » À Terrasse, Altamonte et Bell se rendirent à la poudrière. Le docteur resta seul près de la pile. Bientôt, il entendit la voix éloignée de Johnson qui criait « Attention !»« Tout va bien !» répondit-il. Johnson tira vigoureusement la corde, elle vint à lui, entraînant le pieu. Puis, il se précipita à la meurtrière et regarda. La surface du talus s'était affaissée. Le corps du renard apparaissait au-dessus des débris de glace. Les ours, surpris d'abord, ne tardèrent pas à se précipiter en groupe serré sur cette proie nouvelle. « Feu !» cria Johnson. Le docteur établit aussitôt le courant électrique entre ses fils. Une explosion formidable eut lieu, la maison oscilla comme dans un tremblement de terre. Les murs se fendirent, à Terrasse, Altamonte et Bell se précipitèrent hors du magasin à poudre, prêts à faire feu. Mais leurs armes furent inutiles. 4 ours sur 5, englobés dans l'explosion, retombèrent çà et là en morceaux méconnaissables, mutilés, carbonisés, tandis que le dernier, à demi rôti, s'enfuyait à toutes jambes. « Hurrah ! Hurrah ! Hurrah ! » s'écrièrent les compagnons de Klaoboni pendant que celui-ci se précipitait en souriant dans leurs bras.